De vous à moi les gars, j'aime pas votre rap de merde, je joue pas. Et c'est bien pour ça que je m'en bats la race de perte, hein. Toujours le même, depuis l'arrêt je vous ferai pas la bise. J'ai pas changé, je suis juste passé de la gaufre à la 6. C'est maladif, quand je pose, je frappe trop dans tous les sens. Tu banalises l'atroce, puis parles trop de tolérance. Rappeur ou politique, c'est kiff, kiff, bourrico. Ils sortent tous le même disque, mais ils font blisse au micro. En fait t'es trop mytho, me parle pas de crime d'homicide. T'as qu'un seul truc de crédible, ce truc c'est ton hypocrisie. Confonds pas la haine et la conscience, la merde et le bon sens. La richesse c'est pas forcément l'abondance. Puis ne t'attends pas qu'on danse, ou encore qu'on reste à terre, contestataire. Je serai en paix que si je vais leur faire la guerre. Des propos trop terre à terre, vraiment plus rien à battre. Si je te dérange tant que ça va, si ferme ta gueule viens m'abattre. Bande de chiens de la casse, t'as compris, j'ai plus d'un souci. Je suis qu'un éternel insoumis, je touche plus au frein à ce coup-ci. Je m'arrache tout si je m'entête et je pousse la chance. Faut pas changer pour que ça marche, il faut beaucoup marcher pour que ça change. Rien à battre du rap, je suis homeless. Ni maison de disque, ni structure, je suis bien dans mon coin qu'on me laisse. M'en bats les burnes des urnes, je suis trop réac. Vu que pour eux le progrès se limite dans les poches et dans les sapes. Gauche, gauche, droite, gauche, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, gauche, droite, gauche. Punchline, peur qui te jab. Gauche, gauche, droite, gauche, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, gauche, droite, gauche. C'est comme sur un sac de frappe. J'suis le challenger, j'essaie tout, une piche de rap. MC, je te gifle plus, y'a déjà la crise qui te frappe. Eh, pourquoi t'y titubes toi? J'm'en fous des disputes, moi. J'suis loin de vos délires de game de street et petite pute. Ah, parle pas mal, cousin, ne joue pas les foufou mec. J'm'en fous de tes foufounettes, j'emmerde tous ces zoulous de merde. Kilo zoulou jam, Kardesh pour moi c'est pareil. Pas besoin d'un rôle, j'ai déjà du mal avec mon sale caractère. Ils parlent de calash, merde, ils cherchent à être les plus hardcore. Mais la seule chose sur laquelle ils ont tiré, c'est juste sur la corde. Gauche, droite, crochet, paf, c'est une classe en cours. Ce que je fais c'est de la punchline, pas tes putains de calembours. Rien à battre du rap, je suis homeless. Ni maison de disque, ni structure, je suis bien dans mon coin qu'on me laisse. M'en bats les burnes des urnes, je suis trop réac. Vu que pour eux le progrès se limite dans les poches et dans les sapes. Gauche, gauche, droite, gauche, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, gauche, droite, gauche. Punchline, peur qui te jab. Gauche, gauche, droite, gauche, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, gauche, droite, gauche.